melhor dia da sua vida. Aproveita seu dia. Que eu posso proporcionar tudo de bom que cê imagina. Só com carinho e palavra discreta no que eu faço. Lá na França, baguncinha e vivencia. Torre Eiffel fica pequena pra nós. E no Louvre, onde fica a Mona Lisa. Registrei a minha pisada com a voz. Tu le sais ma bella. Quand j'ai le cœur un peu brisé, bébé, toi tu es là. Avec elle je conduis Yama comme dans la favela. T'en vas pas chérie, moi j'aime bien quand tu es là. Trop d'histoire, trop d'âme, viens mon amour, viens on s'en va. Je suis pas là, tu m'en veux, prends pas la tête, je me sens pas.